L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le week-end des 15 et 16 novembre, Nancy accueillera la 24e édition du marché du monde solidaire, un rendez-vous haut en couleur et en saveur, puisque le thème retenu cette année est cuisine du monde et transmission. C'est organisé par le département de Meurthe-et-Moselle et le GESCOD. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Jean-Yves Carra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du réseau GESCOD et président aussi de l'association Appel. Pouvez-vous déjà nous présenter un peu dans les grandes lignes ce qu'est le marché du monde solidaire ? Alors, le marché du monde solidaire s'inscrit dans le cadre d'une manifestation plus large, nationale, qui est le Festival des Solidarités. Le marché du monde lui-même, donc, va réunir environ 80 exposants qui représentent donc des associations de solidarité internationale. Et le but, donc, de ces exposants, c'est de présenter leurs activités au public de manière à les faire connaître et éventuellement, évidemment, de créer des vocations et de recruter des membres. Et dans un deuxième temps, on a aussi, pour ces associations, la possibilité, donc, de présenter à la vente de l'artisanat en provenance des pays dans lesquels elles ont leur action. Alors, vous êtes vice-président du GESCOD qui organise avec le département de Meurthe-et-Moselle ce rendez-vous. GESCOD pour Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce réseau ? Alors, le GESCOD est ce qu'on appelle un RRMA, c'est-à-dire un réseau régional multi-acteurs. Il en existe dans quasiment toutes les grandes régions françaises. Ce sont des structures qui sont reconnues par l'État et en partie d'ailleurs financées par le ministère des Affaires étrangères et en grande partie aussi par le Conseil régional. Donc ces structures, les RRMA, donc les parties GESCOD, regroupent toutes les structures de solidarité internationale, bien sûr, qui veulent bien y adhérer. Qu'elles soient totalement impliquées dans la solidarité internationale ou partiellement, ce qui fait qu'on y retrouve des associations de solidarité internationale de toute taille, aussi bien des grandes comme Amnesty International, l'Artisan du Monde, etc., comme des petites associations locales, comme celle que je préside par ailleurs, mais aussi donc des établissements publics, des établissements scolaires, ça peut être aussi des entreprises. Bref, toutes les structures qui souhaitent adhérer, quel que soit leur statut, alors j'en oublie d'ailleurs des qui sont très importantes, ce sont les collectivités territoriales. On a beaucoup, beaucoup de collectivités territoriales qui sont adhérentes à GESCOD du fait qu'elles aient elle aussi une action à l'international. GESCOD a en gros trois casquettes. La première, et ça c'est une des particularités de GESCOD, parce que ce n'est pas le cas de tous les réseaux régionaux multi-acteurs, GESCOD est opérateur pour les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'une collectivité territoriale qui aurait un projet de solidarité internationale peut le confier à GESCOD qui va se charger de l'exécution de ce projet. La deuxième casquette, c'est ce qu'on appelle l'EXI, l'éducation, la solidarité, la citoyenneté. Donc là encore, une partie donc du personnel de GESCOD consacre son temps à développer donc cette éducation, donc, que ce soit aussi bien vers les adultes que dans les établissements scolaires. Et puis GESCOD a une troisième fonction aussi, c'est de gérer donc ce qu'on appelle les volontaires, hein, donc les jeunes qui souhaitent partir à l'étranger pour des missions. Et on comprend mieux encore le rôle et les missions du GESCOD et aussi un rôle d'organisateur avec le département de Meurthe-et-Moselle de cette 24e édition du marché du monde solidaire qui va se dérouler les 15 et 16 novembre à l'hôtel du département avec cette thématique cuisine du monde et transmission, 1000 saveurs pour un monde solidaire. Et on imagine que bon nombre d'associations parmi les 80 présentes proposeront des saveurs du monde entier. Et sur ce week-end, il y aura différents temps forts, notamment une table ronde le samedi. Ça commencera même le vendredi 14 novembre avec un rallye des solidarités. Voilà, absolument. Il y a le rallye des solidarités le vendredi qui, lui, est ouvert uniquement à des collégiens. Donc, il y a des classes qui viennent et qui défilent. Et pour le reste, pour le week-end, vous avez notamment le samedi soir. Donc, ça, c'est ouvert au public sur réservation. Une soirée à thème, sur le thème donc justement de la cuisine, donc avec la possibilité donc de s'inscrire et puis de repartir avec un petit repas. Je n'en dis pas plus, c'est une surprise. Et autrement, vous avez des animations pendant tout le week-end, avec aussi bien des conférences que des jeux, de la musique, bon, c'est très très varié. Et on peut retrouver tout le programme sur le site du GESCOD, gescod.org, et sur le site du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. 80 associations qui sont donc présentes lors de ce week-end, c'est important pour elles d'être là? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations donc qui recrutent leurs membres et qui, on va dire, financent une partie de leurs actions par effectivement le marché du monde. Il faut pas oublier de citer quand même, quand on parle du marché du monde, que c'est une collaboration étroite avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, puisque le marché du monde a lieu dans les locaux du conseil départemental et que le conseil départemental est très très investi, hein, puisque il fournit également tous les stands, il fournit le personnel de sécurité, etc., etc. Les 1000 saveurs du marché du monde solidaire 24e édition, c'est effectivement à l'hôtel du département au 48 Esplanade de Jacques Baudou à Nancy. Samedi 15 novembre, c'est de 11h à 18h et dimanche 16 novembre, c'est de 10h à 18h et l'entrée est gratuite. Jean-Yves Chiara, je vous laisse un dernier mot pour donner envie aux auditeurs de venir lors de ce week-end. Eh bien, absolument. Donc d'une part, il y a quand même beaucoup d'activités, hein, aussi bien que ce soit dans le domaine ludique, que ce soit dans le domaine intellectuel, puisqu'on a des conférences, on a des interviews, et on a également des activités pour les enfants. Il y a des jeux. Si les gens veulent se distraire, passer un moment agréable, c'est une possibilité de venir au marché du monde. Mais bien sûr, pour nous, le plus important reste quand même donc la présentation de toutes ces activités à l'international, hein, qui sont proposées par les association de solidarité internationale. S'il y a des vocations, les gens qui cherchent à s'orienter pour avoir une action à l'international, c'est le moment idéal, le marché du monde. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.